Les champignonistes. Ici, elles rencontrent les termites. On sait que les termites ne vivent que de cellulose, mais ne peuvent la digérer. Ils en confient donc l'assimilation préalable, soit aux protozoaires flagellés, qu'ils hébergent par millions dans leur intestin, soit à de minuscules champignons dont ils sèment les spores sur un compost savamment préparé. Ils aménagent ainsi, au centre de leur nid, de vastes cultures de cryptogames soigneusement sélectionnées, semblables à celles qu'installent en d'anciennes carrières des environs de Paris les spécialistes de l'agarique comestible. Les fourmis, qui géologiquement sont postérieures aux termites, leur ont-elles pris leur idée ? Il est fort possible qu'ayant pu s'introduire par surprise dans une termitière affaiblie ou mal défendue, elles y aient trouvé des champignonnières en pleine exploitation. Si elles ne les ont pas créées, elles en ont du moins compris les avantages. N'est-ce pas d'autant plus méritoire que la fourmi n'a pas besoin de protozoaires ou de champignons pour assimiler ses aliments ? Il ne s'agissait donc point d'une de ces nécessités vitales qui poussent à leur comble l'activité des facultés intellectuelles et les forces d'accomplir des miracles désespérés, mais d'un moyen simple et pratique de s'assurer, au cœur même de la cité souterraine, une nourriture abondante, saine et toujours fraîche. Remarquons toutefois que les fourmis fongicoles ne cultivent pas les mêmes cryptogames que les termites. Ceux-ci ne connaissent qu'un agarique et un xylara qui ne se trouvent pas dans les fourmilières. Il est donc certain que les fourmis n'ont pas ensemencé leur couche avec les spores prises dans une termitière. Et partant, assez vraisemblable que l'idée est née chez elles, comme chez les termites, d'un heureux hasard dont leur intelligence sut admirablement tirer parti. Il n'y a pas de fourmis fongicoles en Europe. On n'en trouve que dans l'Amérique tropicale. Jusqu'aux récents travaux de Belt, Moeller, Forel et Sampaio, et aux révélations de Jacob Huber et de Goldie, qui sont d'hier, on ignorait qu'elles fussent champignonistes, et sur la foi de McCook, qui les observa le premier, on croyait qu'elles ne s'intéressaient qu'à la récolte et au découpage des feuilles de certains arbres. C'est pourquoi, dans les traités qui remontent à une quarantaine d'années, notamment dans l'excellent livre sur les fourmis d'Ernest André, on les appelle encore fourmis coupeuses de feuilles, fourmis de visite, fourmis de manioc, fourmis parasols, saouba, etc. Elles appartiennent à la puissante tribu des atinées, grandes fourmis à longues jambes, remarquablement polymorphes, aussi voraces qu'ingénieuses. Elles ont évolué à part et sont probablement les descendantes de certaines de nos fourmis européennes qui vivaient déjà dans ce qui devient l'Amérique avant qu'un grand cataclysme eût séparé le Nouveau Monde de l'Ancien. Elles n'admettent d'autre nourriture que les champignons qu'elles cultivent. Leur vie est ainsi étroitement liée à leur jardin souterrain. Et d'autre part, leurs champignons, les rosites gongylophora, ou du moins leurs kohlrabis, sortes de petites ampoules spéciales qui se développent aux extrémités des filaments mycéliens, ne se produisent pas sans leur intervention. Quand la fondatrice d'une cité future prend son vol de noces, elle emporte avec elle un peu de la terre natale, sous forme d'une minuscule pelote mycélienne, afin d'ensemencer la chambre où elle cultivera, comme nous le verrons plus loin, les cryptogames qu'elle nourrira d'abord de sa propre substance, c'est-à-dire de tout ce que contient son abdomen, et des muscles extrêmement puissants, et peu à peu résorbés, des ailes qu'elle s'est arrachées en retombant sur terre après l'hymen. Dans une fourmilière d'Atas, d'Atinis ou d'Atinée, on rencontre trois types d'ouvrières. Les géantes, qui dépassent parfois 16 mm, ne sortent pas et défendent les portes. Les moyennes, qui coupent, taillent, morcellent et emmagasinent les feuilles. Et les plus petites qui, ne quittant pas le nid, sèment les spores et entretiennent le compost dont elles forment les couches à champignons. Ce compost exige des soins infinis. Elles le triturent, le malaxent, le tassent, le fertilisent à l'aide de leurs excréments, de substances farineuses et de grains de manioc qui activent sa fermentation. Avez-vous cultivé l'agarique comestible ? C'est moins facile qu'on ne croit ou que ne l'affirme les manuels du parfait champignoniste. Ils prétendent qu'il suffit d'installer au fond d'un tiroir une meule de fumier de cheval et de la larder de mycélium pour qu'au bout de quelques jours de petites têtes blanches sortent de toutes parts comme des gnomes qui n'attendaient que le signal du magicien. Ouais, 5 ou 6 fois sur 10, il ne sort rien du tout. Le fumier n'est pas mûr, il fait trop chaud ou trop froid, trop sec ou trop humide. Les filaments sont trop jeunes ou trop vieux. Des fermentations secondaires interviennent, un orage stérilise les spores, etc. Bref, il faut une certaine expérience qui ne s'acquiert que par la pratique, c'est-à-dire par l'observation, la réflexion, la recherche des causes d'un succès, les amendements progressifs, l'étude de la température, de l'hygrométrie, de la lumière, de la ventilation, que sais-je. Croyez-vous qu'il n'en ait pas fallu autant et peut-être davantage dans la culture des minuscules cryptogames atiniens bien plus fragiles, plus évanescents que nos gros et robustes agarics? Nous devons à un myrmécologue allemand, Alfred Möller, de curieuses observations sur la façon dont l'acromyrmex, autre fourmi fongicole du Brésil méridional, prépare ses jardins. Chaque espèce a du reste ses procédés et tours de main, ce qui montre une fois de plus qu'il ne s'agit pas d'actes purement instinctifs ou machinaux. En arrivant au nid, l'acromyrmex, à l'aide de ses mandibules qu'elle manœuvre comme des ciseaux, coupe d'abord la feuille en fragments, à peu près aussi large que sa tête. Ensuite les gratte, les pèle, les polit, les ramollit et en forme une boule. Au moyen des pattes et du front, elle insère à l'endroit propice. Au bout de quelques heures, le mycélium ou les filaments blancs de la champignonnière atteignent et dans l'après-midi recouvrent les boulettes mises en place le matin. Toutefois, ce n'est pas dans le mycélium ou filament grêle que se trouve la nourriture, non plus que dans les conidés ou spores, mais dans ce qu'on appelle ici les kohlrabis, minuscules masses globulaires qui sont un produit tout spécial, artificiel et exclusif de la culture myrmicéenne. Afin d'obtenir ce produit, il faut avant tout empêcher la prolifération excessive du mycélium. C'est à quoi se consacrent les plus petites ouvrières qui l'émondent sans relâche. Parfois, quand leur nombre est insuffisant, elles sont débordées, ne peuvent tenir tête à l'envahisseur et pour ne pas être étouffées, sont obligés de fuir devant la forêt en marche, la forêt déchaînée, en emportant leurs larves afin de les soustraire au fléau filamentaire, après quoi les kohlrabis sont écrasés et disparaissent. Et la champignonnière spécialisée devient une champignonnière naturelle et sauvage, pareille à un jardin abandonné où les mauvaises herbes ont repris le dessus et anéanti les fleurs civilisées. On voit que c'est aussi compliqué, aussi savant que la culture des chrysanthèmes géants ou de certaines orchidées, triomphe de nos grands jardiniers. Mais pourquoi, dès qu'il s'agit d'insectes, ne peut-il plus être question d'invention, d'expérience, d'entendement, de raisonnement, d'intelligence? Tradition, routine fixée par l'instinct dans l'espèce, objecte-t-on? Je ne crois pas que dans ce cas, comme en beaucoup d'autres, l'explication soit acceptable. S'il y a routine ou tradition, il faut bien qu'elle ait commencé un jour par un acte intelligent. Elle a dû se former peu à peu, comme la nôtre. L'expérience de l'engrais, par exemple, la constatation qu'il active la végétation, n'est pas innée, pas plus chez elle que chez nous, je suppose. On dira que les fourmis déposent leurs excréments n'importe où et que les cultures en profitent par hasard. Ce n'est pas vrai. Les fourmis fongicoles, comme les autres, ont grand soin de porter hors du nid tous les déchets, tous les détritus, tous les débris inutilisables. Rien n'est plus propre, plus net, mieux tenu que leur cité souterraine. En faisant ici ce qu'elles font, elles le font à dessein. Des photographies prises sur le vif par le docteur Jacob Huber nous montrent clairement une hâta qui saisit dans ses pattes de devant un fragment de mycélium, le porte à l'extrémité de son abdomen qui, préalablement recourbé, émet une goutte immédiatement absorbée par le blanc de champignon. Jacob Huber l'a vu répéter cette opération 1 ou 2 fois par heure. La vérité, et l'on pourrait faire la même observation à propos de plusieurs de leurs actes, la vérité, c'est que nous répugnons à admettre qu'il se trouve sur cette terre d'autres êtres qui aient, par leur intelligence ou leur qualité morale, les mêmes titres que nous à quelque importance spirituelle, à l'on ne sait quel rôle exceptionnel dans l'univers, à l'on ne sait quelle immortalité, quels vagues et grands espoirs. Qu'il puisse partager avec nous un privilège que nous croyons unique, ébranle nos illusions millénaires, nous humilie, nous décourage. Nous les voyons naître, vivre, accomplir leurs humbles devoirs, puis disparaître par centaines de milliards sans laisser de traces, sans que rien ni personne s'en inquiète, sans qu'ils aient jamais atteint d'autre but que la mort. Nous ne voulons pas nous dire qu'il doit en être tout de même pour nous. Nous aimerions mieux que tout fût stupide, instinctif, automatique, irresponsable. Un jour, nous apprendrons, comme tout ce qui vit avec nous sur ce globe l'a déjà fait, à nous contenter de la vie. Ce sera le dernier idéal, élargi par tous ceux qui l'aura résorbé. Et nous éprouverons peut-être, quand nous saurons nous y prendre, qu'il est suffisant, et en tout cas aussi grand et moins décevant que la plupart des autres. Les Atinis occupent souvent d'énormes nids confédérés. Dans celui que Forel étudia en Colombie, la partie principale avait un diamètre de 5 ou 6 mètres et 3 pieds de hauteur. Il était flanqué de tumulus moins élevés et de logis accessoires situés à 2 ou 300 pas de la maison mère. Les ravages que commettent ces puissantes fourmis sont comparables à ceux des termites. Il faut la fougue et la luxuriance des végétations tropicales pour ne pas succomber à leur dévastation. L'arbre qu'elles attaquent est perdu. Toutes les feuilles sciées au pétiole tombent au pied du tronc, où elles sont recueillies par d'autres fourmis qui les découpent sur place en morceaux portatifs. Et, ombragées de verdure, d'où leur nom de fourmis parasol, en longue file, à perte de vue, les acheminent vers le nid. En moins d'une heure, tout est terminé, et de l'arbre dépouillé, qui n'est plus qu'un squelette, elle passe au voisin, qui subit le même sort. Engrangées dans le nid, les feuilles subissent un nouveau découpage en fragments très menus, dont, après d'autres triturations compliquées, seront formées les couches des jardins souterrains. Rien ne serait plus féerique que ces jardins si l'on pouvait les agrandir à l'échelle humaine. Imaginez un paysage sous-marin ou lunaire qui approfondit sous le microscope, comme je l'ai vu chez un de mes amis en Californie, ces lointains pâles et bleuâtres où foisonnent une végétation vermiforme et globulaire, des faisceaux et des buissons de blanches flammes immobiles et tentaculées, des floconnements et des efflorescences fluides, des éponges de neige duveteuse, un fouillis, un grouillement de larves anémiées qui menacent et semblent tout envahir sans changer de place, des réseaux livides, des chevelures nébuleuses emperlées d'œufs translucides dont le nombre croît d'heure en heure. N'oublions pas pour terminer une curieuse atinée de l'Argentine, Lata volans veideri, étudiée récemment par le docteur Carlos Bruch de Buenos Aires. Elle cultive ses champignons, non pas au fond de ses nids souterrains, mais à l'air libre, à la surface. L'énorme cryptogame, la Locellina mazutki, sa nourriture exclusive, dont le chapeau atteint un diamètre de 30 à 40 cm et qui pèse parfois 3 kg, ne se trouve nulle part ailleurs que sur ses nids, de même que le Poroniopsis brucki. Autre champignon moins volumineux ne pousse que sur les nids d'une autre Ata, l'Acromyrmex eyeri, qui n'en sont jamais dépourvus. Il serait difficile ici, comme sur bien d'autres points, d'invoquer le hasard et de nier l'intervention d'une volonté consciente et intelligente. La fondation d'une cité fongicole est aussi difficile, aussi hasardeuse, aussi héroïque que celle d'une de nos fourmilières européennes et se complique de l'indispensable culture des champignons. Jacob Huber et le professeur Goldi ont complété sur ce point les études de Mueller et les ont poussées jusqu'au bout. Leurs observations ont porté sur l'Ata sexdens. Dès qu'elle s'est installée dans sa logette souterraine, l'Ata en question dégorge sa pelote de filaments et s'empresse de la fertiliser de la façon que nous avons dite. Au bout de quelques jours, la pelote s'anime et émet dans toutes les directions des hifs, c'est-à-dire de légers cheveux blancs. La champignonnière est amorcée, s'étend rapidement et les premiers œufs y sont déposés. À partir de ce moment, jusqu'à la formation et l'apparition des ouvrières, la mère, les larves, les nymphes, les taches fongiques et jusqu'aux œufs mêmes, tout n'a d'autre nourriture que les œufs. c'est l'ovivorisme total, exclusif et inéluctable. Avant que commence la consommation des kohlrabis ou des masses globulaires du mycélium cultivé par les premières ouvrières, on compte que la mère pond 2 œufs par heure, et en tout environ 2000, dont 1800 sont consacrés à l'alimentation générale. Durant cette période, la mère n'a pas d'autre chose à manger que ses propres œufs, car non plus que ses larves et ses nymphes, elle ne touche au kohlrabis ni au mycélium qui les précède. Quel est donc le secret de tout ceci qui vient de rien, de cette création au sens propre du mot? Où puise-t-elle la substance de ces 2000 œufs, dont, pour sa part, elle ne consomme que 300 ou 400, et qui représentent le poids de son corps? Quelle est l'énigme de cet accroissement perpétuel dans le vide, aussi extraordinaire que le serait le mouvement du même nom? Il y a donc hors d'elle quelque chose d'inconnu qui entretient et multiplie sa vie. De pareils phénomènes ne se produisent que dans l'invraisemblable monde des insectes. Où est l'explication de ce mystère qui n'est plus contesté? Personne ne l'a trouvé jusqu'ici.